Yeah, and Grace. Military Chic 7391 représente. Écoute ça. Yeah, yeah. La vie ici est de plus en plus dure. La haine tue la joie et la peine perdure. Nos cœurs saignent, se plaignent de la haine, de la peine qui règne. Nos vies sombres dans un malheur dont même Dieu a peur. J'aimerais pouvoir faire quelque chose, malheureusement rien n'y fera, même pas mes proses. La misère nous a pris à partie, on ne peut rien y faire. Alors j'ai gagné la partie. Nous ne sommes que des pions dans un système 1-0-1-1-0. Telles sont les règles dans ce système de merde. Moi, c'est 1-0-1-1. Non, chez moi on dit 9-1. On présente la banlieue sud de Paris jusqu'à la fin. Je n'arrive plus à écrire ni à apprendre. Military, dis-moi pourquoi ma plume n'a plus d'encre. NG, de l'encre, t'en as plus. Moi de l'infini, j'en ai plus. Pourquoi ce monde de chien où tout le monde dit ta gueule à tous les siens. Faut agir, faut rugir, faut réagir. Pour qu'on puisse un jour s'en sortir. Pourquoi ils enferment tous ces gens? Pourquoi ils maltraitent tous ces gens? NG's et Military pour un monde meilleur. Où la misère ne fait pas peur. Mais on ramènera le bonheur. Et on fera revivre nos cœurs. T'inquiète, on va te ramener. On va te le faire goûter. Et après ça, tu pourras nous remercier. Ça sert à rien de parler. Maintenant faut réagir. Serrons-nous les coudes. Nous allons réussir. Yeah. Oh. Oh. T'inquiète Military, quoi qu'il arrive, si on s'unit, on va réussir. Faut qu'on poste et surtout qu'on sorte de l'ombre. Qu'on mette un punch dans le regard du monde. La misère nous détruit, mais nous on survit. On se battra jusqu'au bout et on tiendra le coup. Je veux réussir dans la vie, vous percer, même si pour ça je dois mourir. Je redémarre la partie, je fais tout pour sauver ma patrie. Tous les fachos, tous les racistes, pourquoi ils existent? On a beaucoup trop souffert. Allons nous croiser le diable dans cet enfer. Car lui seul fait du mal à tous nos frères. Faut apprendre à aimer ce monde. Yeah, le regard d'un monde. NG's 9-1. Military Chic 7-3. Yeah.